La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Monsieur Jacqueline Doucet, planificateur financier, conseiller en sécurité financière, ainsi que toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet, vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour nous rejoindre, contactez le 418-276-6170. Bonjour, ici Léon-Paul Darvaux, président du conseil d'administration de la SADC Maria-Chapdelaine. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du conseil d'administration et du personnel de la SADC, une heureuse période des fêtes et que la nouvelle année soit des plus prospères pour notre collectivité. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC Maria-Chapdelaine. La direction et le personnel du garage Gérard Tremblay profitent de ce moment de réjouissance pour remercier sa clientèle qui l'encourage année après année. Joyeux Noël et bonne année! Ce sont les vœux du garage Gérard Tremblay situé au 165 boulevard Dequin à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-0060. Et n'oubliez pas que nous serons toujours là pour bien vous servir pendant la prochaine année. On va parler des Marquis de Jonquière de la Ligue nord-américaine. Il y a une nouvelle quand même importante qui est survenue la semaine passée après notre chronique. Bob Desjardins qui n'est plus l'entraîneur adjoint. On en parle avec le descripteur des matchs des Marquis à CKJ, Dominique Bolduc. Salut Dominique. Dominique, si on parlait d'abord de ce match contre Rivière-du-Loup, c'est-tu dans ce match-là que ça a brassé pas mal, qu'on a entendu parler, que ça a fait les nouvelles? Non, c'est le match à domicile le samedi contre Rivière-du-Loup. Les Marquis ont subi une défaite de 7-4. Match un peu en deux sens. Première période qui a été dominée, la première moitié qui a été dominée par les Marquis qui ont pris les devants à 0. Par la suite, Rivière-du-Loup qui a créé l'égalité et le deuxième but qui a complètement cassé les jambes des Marquis parce que le but était définitivement pas bon. La rondelle qui était sortie d'un pied de la zone défensive, mais les officiels, les juges de ligne n'ont rien vu de tout ça. Alors, les joueurs des Marquis qui avaient arrêté de jouer pensant qu'il y avait hors-jeu, finalement non. Ils ont marqué, et le but qui a été donné bon, puis tout de suite après, ils ont scoré deux autres, donc ça a fait 4-1. Donc ça a cassé un peu les jambes des Marquis, qui sont bien revenus en troisième période. Parti de 7-2 pour faire 7-4, malheureusement, ils ont marqué. OK. Donc, c'est dans ce match-là que ça a brassé pas mal. Est-ce qu'on en a mis pas mal ou ça a vraiment brassé? Puisque la Ligue nord-américaine, quand il est question des médias, c'est souvent pour les bagarres. En fait, vu que le match qui a brassé, c'est lui qui a perdu contre Trois-Rivières au Palais des Sports, une victoire de 5-2. Ouais. Il y a eu des affaires pas mal pires que ça, je dois dire. Là. Ce qui s'est passé, là, c'est presque rien, en fait. Là. Et c'est des médias qui veulent faire du sensationnalisme avec des petites affaires. Moi, je peux pas croire comme lundi matin, le Journal du Québec, édition Saint-Denis-Lac-Saint-Jean, passe la une avec un événement de la sorte. Il y a eu des événements pires que ça pour des matchs, puis ils n'en ont jamais parlé. Puis là, étant donné que c'est les médias qui ont un parti pris, là, on va se dire, là, Québécois, là, ils sont penchés vers leur junior majeur, là, ils sont propriétaires de deux clubs, fait que c'est bien eux autres qui dominent. Face des nouvelles de même, c'est parce qu'ils ont une dent contre la Ligue nord-américaine, surtout que dernièrement, il y a un certain journaliste qui a fait des chroniques, des topos sur des joueurs. Je pense qu'ils sont mal placés de venir parler puis de faire des sortes de topos comme ça sur des choses qui, présentement, là, personnellement, là, n'avaient rien à voir. Oui, il y a une petite mêlée, mais c'est pas la première fois qu'il y en avait des mêlées. On dirait que quand ça se passe à Jonquière, c'est tout le temps pire que partout. OK. Donc, c'est pas si pire que ça quand même, ce qui s'est passé. OK. Non, c'est ça. Il y a un joueur, il y a un spectateur qui a voulu venir au cours aux joueurs, mais les joueurs ont provoqué la foule comme ils ont l'habitude de le faire. Puis là, ben, il y en a un qui avait peut-être deux verres de trop dans le nez. Il a descendu, puis les gars de sécurité ont tout séparé le tout, mais c'est pas comme la chaise qui a été garochée dans la foule l'autre fois. OK. C'est sûr que lorsqu'il est question de bagarre, on aime ça peut-être en mettre un peu plus que clairement de casser la Ligue nord-américaine. Grosse nouvelle dans le monde des Marquis de Jonquière. Bob Desjardins quitte les Marquis pour s'en aller avec l'équipe de Cornwall. Bob Desjardins, c'est un entraîneur chef, c'est pas un entraîneur associé ou un entraîneur adjoint. C'est peut-être ça qui a fait la différence, hein? Oui, ben exactement, c'est ce qu'il a mentionné lorsqu'il a annoncé qu'il quittait pour Cornwall. Il y a eu une ouverture pour retourner comme coaché du côté de Cornwall. Je pense que ça a été la meilleure décision pour lui, parce qu'il voulait vraiment prendre des décisions. Donc, il a fait plein pouvoir du côté de Cornwall. En plus, il est assistant du directeur général. Moi, je souhaite la meilleure des chances à Bob Desjardins. Il a servi de belles choses ici, le temps qu'il a été à Jonquière, mais il ne se sentait pas heureux dans les derniers groupes. Quand tu ne te sens pas heureux, ben, t'es mieux de laisser ta place. OK. Est-ce que tu penses qu'il va être capable de remettre Cornwall sur la map? Parce que depuis que cette équipe-là est arrivée au monde, c'est difficile à Cornwall. Moi, je pense que oui, parce que je pense Bob Desjardins est un gars d'hockey, connaît la ligue, connaît beaucoup de joueurs. Du côté de Cornwall, je pense que c'était ça la faiblesse. Ils vont installer quelque chose de bon du côté de Cornwall, puis j'espère pour lui que l'équipe va s'améliorer d'ici la fin de la saison, puis il pourra même causer une surprise. OK. Dominique, on s'en parle cette semaine sur les ondes de CKG. Dominique Bolduc de la station CKG.